On va parler de baseball avec notre ami Mark Griffin, évidemment. C'est la nouvelle de la journée. C'est Vladimir Guerrero qui est intronisé au Temple de la Renommée. Très, très content. Par contre, je suis un peu déçu pour un gars que j'aimais beaucoup à l'époque, Edgar Martinez. On en parle avec Mark Griffin. Salut, Mark. Salut, Dan. Mark, je suis pas vraiment surpris que Vlad ait été choisi. Écoute, j'ai surveillé souvent le... Parce que je sais pas si t'es un amateur de... Si tu connais Ryan Thibodeau qui suit le... le Hall of Fame, les votes à mesure qui sont déposés. Et Guerrero a toujours été à 90-92%. Donc, c'est pas vraiment une surprise également qu'il rentre haut la main à Cooperstown. Non, c'est pas une surprise. Puis, vous savez, le style de Vladimir, le fait que ce gars-là frappait n'importe quel tir à n'importe quel moment, pas de gants de frappeur, avec une attitude, là, lance-moi ça à peu près dans ce coin-là, je vais la frapper. Les joueurs étaient fascinés par ça. Ouais. On a rentré dans l'ère où Tony Gwynn, par exemple, puis il surveillait les lanceurs adverses, il les filmait, il essayait de trouver des failles. La vidéo est rentrée. Là, lui, il a gardé ça simple. Ça a vraiment marqué sa génération. C'est pour ça qu'il a autant de votes à sa deuxième année seulement de c'est quelque chose. Ah oui, écoute, puis c'est vraiment... Puis s'il il aurait été... ça, c'est un petit peu l'aspect négatif. S'il aurait été en forme... Parce que passer des Angels de Californie, quand il était au Texas, on l'a utilisé comme faire de choix, puis il était plus vraiment en forme. Ce gars-là aurait pu facilement être élu au premier tour. Là. Facilement. Là. On a l'impression qu'il s'est pas développé à son plein potentiel. Là. Ah, écoute, pas oublier d'où vient Vladimir. Hein? Ouais. Vladimir l'a grandi dans un endroit où il n'y avait pas d'eau potable. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle les Dodgers l'ont laissé aller à un moment donné, c'est qu'il n'était pas en santé. Il n'était pas en forme. Il était toujours malade. Il était toujours blessé. C'est au moment où les Expos l'ont pris en charge qu'on a commencé à le nourrir comme du monde. Puis à lui donner... puis là, ben, évidemment, il a commencé à se développer à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été un grand partisan de la condition physique. Ça lui a probablement empêché d'avoir au moins peut-être une année ou deux productives de plus, mais ça reste que, comme j'ai mentionné, c'est qu'il a marqué sa génération dans son style, dans toute sa puissance. Écoute, le bras canon, on parle de bâton, mais son bras était un bras exceptionnel. Ouais. Les gens disent, oui, il dominait l'incident le nombre d'erreurs. Oui, mais savez-vous combien d'erreurs? Parce que il lançait les gars lançaient à 98 000 à l'heure au troisième but, là, sur un... sur une balle frappée au champ droit. Des fois, le troisième but, il ne maîtrisait pas la balle, puis elle passait derrière. Fait que le marqueur officiel n'avait pas le droit de donner une erreur au champ droit. Mais ce que je veux dire, c'est que Vlad était exceptionnel. Puis heureusement que Philippe Allou a été son gérant, chose qui, je pense, a été une grande influence dans la carrière de Vlad. Moi, je me rappelle de son premier camp d'entraînement que Vlad est allé à West Palm Beach. Philippe disait que sa balle bougeait. Quand il frappait, la balle avait de la vie. Je sais pas si... écoute, moi, le plus beau souvenir que j'ai de Vladimir... je me souviens rapidement là, que Ron Delwhite allait faire une courte réhabilitation à Harrisburg à un moment donné. Puis quand il est revenu, on lui a demandé, ça c'est en 96. Puis Ron Del a dit, écoutez les gars, il est pas bon. C'est un phénomène. Ouais. C'est un phénomène. Et il dit, surveillez bien ses pratiques au bâton. Fait que quand il est arrivé à Montréal, moi j'avais le privilège de suivre l'équipe quotidiennement. Fait que j'allais à tous les exercices au bâton, près de la cage, et regarder les balles sortir du bâton de Vladimir. J'ai eu la chance de voir de près Mark McGwire, Barry Bonds, Gary Sheffield. Vlad, là, il avait quelque chose de spécial parce que c'était sur chacun des tirs, que soit bas, que soit haut, intérieur, extérieur, le gars frappait des coups de canon à chaque fois. Ouais. Il y avait une coordination, mais œil, honnêtement, qui n'était pratiquement pas humain dans son cas, puis ça a donné ce que ça a donné. Hey, regarde. Écoute, quel flair de Fred Ferreira, puis je salue Frédéric Daigle, mon chum Fred Daigle de la presse canadienne, qui a été capable de rejoindre Fred Ferreira, qui était un spécialiste, lui, de la République dominicaine. Il y en a recruté des... Fred Ferreira, là, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un recruteur qui était dans les Républiques dominicaines, également, de ces pays-là, des Antilles, et ça, c'en est un, ça, qui était un des excellents recruteurs. C'est lui qui c'est à cause de lui que les Expos ont signé Vlad, là. On l'appelait le requin des Caraïbes. Ouais. Ferreira était le requin des Caraïbes parce que il avait justement, tu disais, souvent d'ailleurs, il mettait sous contrat des joueurs que d'autres équipes avaient déjà vus. Mmh. Parce que, vous savez, il y a un paquet d'académies en République dominicaine de différentes organisations. On invite un paquet de joueurs, puis à un moment donné, il y en a un ou deux qui passent, les autres, merci, bonsoir. Mais et Vlad est un de ceux-là. Et lorsque Traera avait examiné Vladimir de plus près, il dit, écoute, c'est une puissance qui t'enseigne pas. Oui, il était pas coordonné dans ses gestes. Oui, il y avait ci, il y avait ça, mais il dit non, on peut faire quelque chose. Écoute, là, je te parle de tard à 93. Ouais. Et en 96, le gars faisait ses débuts dans le baseball majeur. Je suis surpris un peu qu'il n'y a pas eu, Jacob Ferreira, qui n'a pas eu sa chance comme directeur général. Parce que c'est un spécialiste. Je pense que c'est lui. Qui ne voulait pas nécessairement. Mais c'est tout un gars. Pour avoir jasé avec lui à plusieurs reprises, c'est tout un gars de balle. Et d'ailleurs, c'est un peu lui qui a formé Alex Antopoulos en passant. Ah, OK. Oui, parce qu'Alex Antopoulos était là, à un moment donné, a tellement achalé l'organisation des expos pour devenir détecteur de talent. Ils l'ont envoyé à Fred Ferreira pour passer, si tu veux, un mini-test. Puis Fred a dit, il a passé le test. Puis à un moment donné, ben on connaît la suite des choses. Donc, Fred Ferreira a une belle influence pour le baseball à Montréal. Oui, effectivement. Allez, je vais te parler. Vlad va rentrer avec la casquette des expos. Hein? Écoute, il y a... Bon, on va le savoir après-midi. On va le savoir après-midi. Moi, je te dirais, si on suit une certaine logique du Baseball Hall of Fame, il devrait porter la casquette des expos. Je m'explique rapidement. Carter, Dawson, Reigns, tous des joueurs. T'sais, Dawson a gagné joueur par excellence avec les Cubs. Carter a gagné les séries mondiales avec les Mets. Reigns est parti, a continué à voler des buts, a gagné les séries mondiales avec les Yankees. Mais les gars ont été découverts, développés et devenus des étoiles avec les Expos de Montréal. 8 ans passés avec les Expos dans le cas de Vladimir, 6 avec les Angels. Je comprends qu'il a gagné le joueur par excellence avec les Angels. La seule chose qui peut jouer un peu contre ça, c'est que les Angels ont personne au terme de la renommée du baseball encore. Ouais. Parce que Vlad devient le premier. Alors, le baseball, le terme de la renommée est choisi. Mais le joueur a son mot à dire. T'sais, le joueur peut dire, moi, là, regardez, je préfère largement. T'sais, aujourd'hui, on laisse le joueur s'exprimer davantage. À l'époque, Dawson voulait la casquette des Cubs, le Hall of Fame, il dit non, c'est la casquette des Expos. Alors aujourd'hui, une ouverture plus grande pour que les joueurs s'expriment. Tout ça pour dire que on sera cet après-midi, mais si on suit la logique, il devrait être un expo. OK, je veux te parler d'Edgar. Oui, je veux te parler d'Edgar Martinez. Je suis très déçu, moi, d'Edgar Martinez, parce que est-ce que le fait qu'il a joué à Seattle ou qu'il a été frappeur de choix quasiment toute sa carrière joue contre Edgar Martinez? Parce que Edgar Martinez, c'est une machine à coussure, là. C'est incroyable, là. Ben, écoute, c'est pas le fait qu'elle joue à Seattle, c'est le fait qu'elle était frappeur de choix. Regarde, là, les frappeurs de choix, les releveurs de courte relève, là, Hoffman vient de passer. Lee Smith. Lee Smith, bon, tu te souviens. Ouais. L'expertise, on est moins tenté de voter pour ça. Pourtant, tu l'as dit, Edgar Martinez est excellent. Par contre, là, c'est un autre débat que je vais ouvrir. Mais Larry Walker a des meilleures statistiques qu'Edgar Martinez et en plus a gagné le Gandor quoi 6-7 fois. Fait que tu sais, puis Walker qui a eu un super pointage, je peux l'appeler ainsi, parce que c'est lui qui a eu la hausse la plus importante. Mais tu sais, c'est un autre gars qui statistiquement devrait se retrouver pas mal plus dans les 70-72% que dans le 35. Alors. Tu sais, c'est deux poids, deux mesures. C'est pas évident pour les joueurs, les gens à choisir. Mais clairement, les gars de stéroïdes, les frappeurs de choix, les releveurs de courte relève, on n'a pas encore la cote, évidemment, parmi les gens qui votent. Il y a eu le comité de révision au mois de décembre tranché qu'Alan Trammell et... c'est qui l'autre? Jack Morris qui va être élu au temps de la renommée. Et Lee Smith était même pas en considération. C'est incroyable. Ça. J'en ai parlé avec Jacques Doucet. C'est une aberration que Lee Smith, au moment où il a pris sa retraite, n'a pas été en tête des parties sauvegardées, puis il est même pas au temps. Puis il est même pas proche, là. Il est même pas dans le comité de révision. C'est ça que j'allais dire. C'est que, c'est une chose de pas être au temps, mais c'est une chose de pas avoir de vote. Tu sais, je veux dire. Edgar Martinez, si jamais il est pas intronisé, il va dire, écoute, j'ai vraiment passé proche. Ça veut dire que les gens m'ont apprécié. J'ai 70% des gens qui trouvent que j'étais... Tu sais, tu peux te consoler, entre guillemets, avec ça. Dans le cas de Lee Smith, c'est pas du tout le même dossier. Je sais pas si le fait que je joue pour tant d'équipes, je sais pas, tu sais, des fois, c'est pas facile de gratter les raisons derrière tout ça, mais effectivement... Est-ce qu'il était bon avec les journalistes? Est-ce qu'il était bon? Parce que c'est ça qui joue, là. Est-ce que Lee Smith, de mémoire, marque... Ouais, en tout, puis moi, Eddie Murray, là, ouais, c'est sûr. Pas les journalistes, puis on l'a traîné. Donc, à quelque part, je pense qu'il faut mettre de côté la relation. OK. Hey, Marc, je veux te parler du marché des joueurs autonomes. Là, on est rendu le 25 janvier, au moment où on enregistre ce podcast. Les gros joueurs n'ont pas signé encore, puis on entend quelques rumeurs ici, là. J.D. Martinez se serait fait offrir 100 millions par les Red Sox. Eric Hosmer, c'est qui? C'est San Diego, que j'ai vu l'autre fois qu'il pouvait être intéressé à lui. Carlos Gonzalez, on sait même pas s'il est encore là, s'il y a des rumeurs. Yu Darvish, on entend toutes sortes de rumeurs, mais il n'est pas signé. Est-ce que ça commence à sentir la collusion entre les propriétaires? Vous savez, la collusion, c'est ben difficile à prouver. Mais je veux dire, c'est pas normal. Moi, ce que je pense, c'est que, il y a deux ou trois éléments dans tout ça. Et l'élément principal, selon moi, c'est qu'on s'est probablement enfin réveillé pour comprendre que les maudits contrats de 8 puis 10 ans à des gars de 30 ans, là, ça rapporte pas. T'sais, on pourrait parler du contrat d'Albert Pujols, on pourrait parler du contrat de Jacoby Ellsbury, je pourrais te parler du contrat de Prince Fielder, je pourrais t'en nommer plusieurs là où c'était une catastrophe financière, il faut pas se le cacher. Là, les équipes comme les Yankees, comme les Red Sox, se disent, nous, on va aller en dessous du cap. T'sais, on va aller en dessous là pour pas payer la fameuse taxe de luxe. Ça, c'est les équipes qui font des revenus, des profits de 300 millions. Là. Les autres, ça... Bon, alors... Et l'autre aspect, c'est qu'on est aussi tanné de donner des contrats à long terme. D'ailleurs, en ce moment, il y a quand même une cinquantaine de joueurs, là, 52, 53, là, qui ont signé, des joueurs autonomes. Le contrat le plus important, c'est 3 ans. Alors, il n'y a pas un joueur des 50 qui a signé qui a un contrat de plus de 3 ans. 3 ans, 60 millions. Ça, c'est le plus gros contrat donné en ce moment, depuis le début de la saison des joueurs autonomes. Donc, le message... Puis Burroughs s'est pogné avec la plupart de ces gars-là. C'est de dire, tu sais, écoute, les gars, on va vous donner 20 millions par année, pas de problème, 20, 22 millions par année, mais ça va être pour sur 3 ans. Ça sera pas sur 5 ans. Alors, moi, je pense que la bataille est là présentement. Sans dire qu'une collusion, le mot se passe. Puis là, j'ai hâte de voir, parce que comme tu dis, les camps d'entraînement commencent. C'est le 14 février que lanceur-receveur se pointe au camp d'entraînement. Alors, c'est demain, ça. Alors là, ça va jouer du coude, me dire, dans les prochains jours. Parce que c'est pas juste un nom. Tu avais mentionné 3-4, mais il y en a 7, 8, 9, des 10, des noms qui peuvent changer l'allure d'une équipe carrément. Là. Alors ça va jouer dur dans les prochaines semaines. J'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui va flancher. J'ai hâte de voir si quelqu'un va dire, OK, je vais lui donner 5 ans, 100 millions. Et je suis pas certain, mais je sais que J.D. Martinez demande au moins ça. Moi, je suis pas certain qu'on lui a offert ça. Mais ça peut finir que ça fait 3 ans à 75 millions. On va te donner un petit peu plus, mais pour 3 ans par année. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. OK. Est-ce que c'est un message à Josh Donaldson? Parce que moi, Marc, je te l'ai dit, c'était la priorité des Jays. Cette année, là, cet hiver, c'était la priorité de régler le cas de Donaldson. On l'a réglé, on a signé pour un an en arbitrage, on a évité l'arbitrage 23 millions. Sauf que là, ça va commencer... J'ai l'impression que cet été, ça va être la discussion, puis moi, j'aurais travaillé sur du long terme au lieu du court terme. Ben, je pense que le clan Donaldson ne voulait pas un contrat à long terme, à moins que puis les Jays ne voulaient pas non plus aller sur des contrats de 5 ou 6 ans. Par contre, là, on parle de cette année. L'an prochain, ça devrait être l'année la plus intéressante, probablement à l'histoire du baseball pour les joueurs autonomes. Donaldson va être de retour sur l'autonomie, si tu veux. Évidemment, Bryce Harper. Machado. On pourrait en nommer là, une dizaine... Clayton Kershaw, je pense. Hein? Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, ça en avait aussi joueur autonome. Ouais. On va faire une liste, là, tu vas voir, ça va être un marché incroyable. Alors là, est-ce qu'on aura la même philosophie de... je dirais pas de collusion, là, mais de... c'est à voir, mais... toujours est-il que cette année, c'est anormalement silencieux comme hiver, pour pas se cacher dans le baseball. Et écoute, il y a encore plus de 130 joueurs autonomes, là, si on inclut là, tous les types de joueurs, c'est pas mal de gars qui ont pas encore de contrat à quelques semaines à peine là, du début de, du entraînement. Les matchs commencent le 23 février, les matchs pré-saison. Ouais. Alors, on est à moins d'un mois de tout ça. Là. Effectivement. Marc, on s'en reparle durant le camp d'entraînement. C'est bon, merci. Le collaborateur Marc.